le Brésilien resta grave comme un homme de bronze. Ce sang-froid irrita Carabine. Elle savait parfaitement que Montès aimait Madame Marneffe. Mais elle ne s'attendait pas à cette foi brutale, à ce silence obstiné de l'homme convaincu. On juge aussi souvent une femme d'après l'attitude de son amant, qu'on juge un amant sur le maintien de sa maîtresse. Fier d'aimer Valérie et d'être aimé d'elle, le sourire du baron offrait à ses connaisseurs émérites une teinte d'ironie, et il était d'ailleurs superbe à voir. Les vins n'avaient pas altéré sa coloration, et ses yeux brillants de l'éclat particulier à l'or bruni gardaient les secrets de l'âme. Aussi Carabine se dit-elle en elle-même, « Quelle femme ! Comme elle vous a cacheté ce cœur-là » « C'est un roc !» dit à demi-voix Bixiou, qui ne voyait là qu'une charge et qui ne soupçonnait pas l'importance attachée par Carabine à la démolition de cette forteresse. Pendant que ces discours, en apparence si frivoles, se disaient à la droite de Carabine, la discussion sur l'amour continuait à sa gauche entre le duc d'Hérouville, Lousteau, Josepha, Jenny Cadine et Massol. On en était à chercher si ces rares phénomènes étaient produits par la passion, par l'entêtement ou par l'amour.